Et pour finir cette partie... Et pour finir cette partie... C'est juste pour raconter un peu la vie. Juste ces histoires d'amour sans amour qu'on croit qui viennent et au fond qui s'en vont, qui n'existent même pas. Pour dire qu'au fond on est seul, seul, seul, seul, seul, toujours seul. Les chemins, les cheminées. On voit des signaux, mais rien, rien, rien, rien, rien ne vient. Cheminer, cheminer, cheminer les chemins de la discorde. Cheminer, cheminer, cheminer, continuer sur ce chemin. Ronceux, épineux. Ça serait si facile si les chemins étaient des routes, si les routes étaient des autoroutes vers le bonheur, vers l'amour, quoi. Un peu d'amour dans la vie, ça ferait du bien. Juste un peu. pas longtemps, juste un peu. Entre humains, c'est difficile. Avec les animaux, c'est bien plus facile, c'est réel. On ne se ment pas, on ne se trompe pas. Soit il t'apprécie, soit il te bouffe, soit c'est toi qui le bouffe. Ou alors t'es là pour le contrôler, le brigader dans un petit parc. L'animal. En fait, tu l'aimes pas. Lui il t'aime et toi tu l'aimes pas. Ouais. Ouais. Si l'animal n'est pas libre, libre, libre, libre, libre. Que c'est lui qui décide sa vie, quoi. Et s'il a décidé de venir avec toi un moment, ouais, il y a ça aussi. L'amour. L'amour, c'est quelque chose de bien difficile, de bien compliqué, de bizarre, qui manipule l'autre, c'est ça. Comment être sûr qu'il y ait vraiment de l'amour? Tu vois ce que je veux dire? L'amour infini, le vrai. Le vrai. Est-ce que c'est parce que il ou elle a besoin de toi qu'elle est amoureuse, qu'il est amoureux? Besoin pour autre chose. Pour autre chose que d'être avec toi. Autre chose que de juste aimer, juste l'appréciation, juste apprécier, tu vois? Comment être sûr que quelqu'un t'aime pour ce que t'es? Vraiment, parce que il a ou elle a envie d'être avec toi juste pour être avec toi. Hormis les conventions. Oui. Encore quand t'es jeune, avant la vingtaine, on va dire, c'est peut-être possible. Juste aimer, aimer, comme ça. En fait, c'est le premier amour qui est déterminant. Celui-là, toi, t'y crois, toi. Et si l'autre, c'est le premier aussi. Ça peut faire que ça, c'est vrai, quoi. Que c'est vrai, que c'est pas faux. Mais après, Après, quand tu t'es fait avoir une fois, t'es toujours sur tes gardes. Entre humains, il y a toujours des trucs derrière. Tu sais jamais si c'est vrai. Ou si c'est par convention, ou si c'est par un but. Un but à la fin, qu'il y ait un but. L'homme, par exemple, le but, ça va être de tirer son coup, on va dire. Je la manipule, lui faire croire que je l'aime. Oh, je l'aime. Oh. En fait, à la fin du cul, à la fin du compte, à la fin du cul, c'est pour le cul, c'est pour troncher, enfiler son dard, quoi, tirer son coup. Défoncer la crampe, quoi. Enfin, bref, ouais, c'est pour baiser, quoi. Mais l'amour, autre que baiser, est-ce qu'il existe? C'est une légende. C'est pour ça qu'avec les animaux, c'est pas pareil. Tu peux pas tricher tout le temps. Tu peux pas tricher tout le temps. Tu sais si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas, mais l'animal, s'il t'aime, il est avec toi, il vient. Mais faut-il qu'il soit libre? Et oui, c'est toujours ça, cette question. S'il est libre, là, il t'aimera vraiment. S'il n'est pas libre, c'est parce qu'il veut quelque chose de toi, que tu le libères, ou de la bouffe. Douce réflexion, tout ça. Douce réflexion. Et on finira par ça. Et on finira par ça parce que... Pour savoir apparaître seul dans la vie.